Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Troisième épisode. Pip est chargé de distraire Mademoiselle Havisham, vieille fille riche et excentrique, qui vit dans une étrange maison mausolée avec Estella, une adolescente aussi ravissante qu'arrogante. Pour autant qu'il sache, tout le monde ignore l'aide qu'il a été contraint de fournir à un dangereux forçat évadé. Ce soir-là, Madame Joe m'avait chargé de récupérer Joe au bistrot du village, où il allait régulièrement fumer sa pipe. Un homme était assis avec Joe et Monsieur Wopsle, un étranger. Il me fixait de son œil à demi fermé, la tête inclinée comme s'il visait quelque chose avec une arme invisible. À mon approche, il sortit sa pipe de sa bouche pour recracher toute la fumée en me regardant droit dans les yeux. Et il hocha la tête vers moi. Je fis de même. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Monsieur Wopsle. Je te salue, noble enfant. Tu peux t'asseoir à côté de moi sur la banquette, mon garçon. Non, merci, monsieur. Je lui garde toujours sa place à côté de moi. Qu'est-ce que vous buvez, monsieur? Au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Joe Gargery. Eh bien, monsieur Gargery, vous buvez quoi? Histoire de trinquer, on est frais. Un rhum, alors. Et l'autre monsieur se joindrait-il à nous? Les fontaines sont bienvenues chez moi, qui font ruisseler pareil liqueur. Un rhum. Patronne, trois rhums. Merci. Cet autre monsieur est un monsieur qu'on a toujours plaisir à entendre. C'est le chantre de l'église, à cause de sa voix. L'église isolée dans les marais, avec toutes les tombes autour. Je ne connais pas la région, messieurs, mais ça m'a l'air bougrement isolé quand on va vers le fleuve. Pas rassurant. Un petit. Les barrets, c'est toujours isolé. Bien sûr. Et voilà. Bien sûr. Est-ce que parfois, on y rencontre des romanichels, ou des clochards, ou des vagabonds? Pas trop. Une fois de temps en temps, un forçat évadé, hein, Pip? Oui, tout. Votre petit gringalet est bien sympathique. C'est quoi son nom? Pip. C'est votre fils? Non, pas exactement. Monsieur Joe Gargery, que voici, épousa la sœur aînée de ce jeune garçon, laissé orphelin de père, de mère et de frère, et voulut bien se charger de son éducation. Il compte en faire un forgeron, car être forgeron ou ne pas l'être, comme dit le poète, là est la question. Il me semble avoir dans la poche un shilling tout neuf, et si c'est bien le cas, ce sera pour Pipe. Et voilà. Tiens, c'est pour toi. Pour toi tout seul. Merci bien, monsieur. Au même moment, il sortit de sa poche une lime avec laquelle il renoua son rhum. Une lime que je reconnus aussitôt. C'était celle que j'avais volée à la forge de Joe. Personne d'autre que moi ne la vit, car il l'essuya promptement sur sa manche et la remit dans sa poche. Messieurs. Au moment de notre départ, quand il salua Joe et Monsieur Wopsle, il me fixa de son œil de visée. D'ailleurs, non, car cet œil était fermé. Mais on peut signifier des tonnes de choses avec un œil caché. Et je me rendis compte après que le shilling était enveloppé dans deux billets d'une livre que Joe s'empressa de rapporter au bistrot. Mais l'étranger n'y était plus. Ce jour-là, chez Mademoiselle Havisham, Estella me fit patienter dans une pièce sinistre, au plafond bas, qui donnait sur le coin le plus piteux du jardin, et dans laquelle trois dames et un monsieur étaient figés dans la posture nerveuse et morose de ceux qui attendent le bon plaisir d'une tierce personne. Qui le saura ? Pauvre chérie, il est si étrange. Pourrait-on croire qu'à la mort de la femme de Tom, il n'y eut pas moyen de le convaincre de mettre des brassards de deuil aux enfants? Je l'entends encore, Mais enfin, Camilla, du moment que les pauvres petits sont en noir. Caractéristique de ce pauvre Mathieu. Honnêtement. Il a ses bons côtés. Il a ses bons côtés. Je serai le dernier à dire le contraire. Mais il n'a jamais eu, n'aura jamais le sens des convenances. C'est ton tour, petit. Oh, c'est incroyable. Mais qu'a-t-elle encore inventé? Alors? Oui, mademoiselle. Je suis jolie? Oui, je vous trouve très jolie. Est-ce que tu me trouves méprisante? Moins que la dernière fois. Moins? Oui. Qu'en penses-tu maintenant, espèce de petit monstre, mal élevé? Je vous le dirai pas. Parce que tu vas rapporter là-haut? Non, c'est pas pour ça. Pourquoi est-ce que tu ne pleures pas, petit vermisseau? Parce que plus jamais vous me ferez pleurer. Qu'avons-nous donc là? Un petit garçon. Un enfant du coin? Hein? Oui, monsieur. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Mademoiselle Avisham m'a fait venir, monsieur. Eh bien, tiens-toi comme il faut. J'ai une grande expérience des garçons de ton âge, et vous êtes tous dévoriens. Par s'user, on dirait. Oui, madame, on est là. Allons, allons, je ne veux pas le savoir. Es-tu prêt à jouer? Je ne crois pas, madame. Puisque tu trouves cette maison morne et délabrée et que tu refuses de jouer, accepteras-tu au moins de travailler? Avec plaisir, madame. Eh bien, va m'attendre dans la pièce en face. La pièce, de grande taille, avait dû être belle, mais chaque meuble, chaque objet encore identifiable était moisi et poussiéreux, prêt à tomber en morceaux. L'élément central était une immense table couverte d'une nappe. On aurait dit qu'une grande fête avait été en préparation au moment où la maison et ses horloges s'étaient arrêtées. Un monticule, au milieu de la table, disparaissaient sous les toiles d'araignées qui en sortaient et y entraient en courant sur leurs fines pattes, comme si une rumeur de la plus grande importance venait de se répandre dans leur communauté. Tiens, donne-moi ton épaule, que je m'y appuie. Tu vois cette table? C'est sur elle qu'on m'étendra à ma mort. C'est ici qu'ils viendront me rendre hommage. À ton avis, c'est quoi là, au milieu, sous les toiles d'araignée? Je n'en ai pas idée, madame. C'est une pièce montée, celle de mon mariage. Allez, allez, conduis-moi. En marche, on fait le tour. Appelle d'abord Estella. Mais reviens, la promenade n'est pas terminée. Ma chère mademoiselle Avisham, vous avez une mine superbe. Au contraire, j'ai le teint jaune et les os qui pointent. Ma pauvre chérie, comment pourrait-elle avoir bonne mine, enfin, honnêtement? Et vous, comment allez-vous, Camilla? Aussi bien que possible, au vu des circonstances. Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, je n'aime pas faire étalage de mes sentiments, mais je pense tellement à vous toutes les nuits que mon sommeil comme ma santé en sont affectés. Bien, arrêtez de penser à moi. C'est facile à dire. Raymond pourrait témoigner de la quantité de gingembre et de sel que je dois prendre chaque nuit. J'étouffe littéralement en pensant aux gens que j'aime. Raymond peut en témoigner. Cher Camilla, votre famille vous tient tellement à cœur. Tout le monde en est conscient. Je sais, c'est une faiblesse d'être aussi affectueuse. C'est une souffrance, mais une consolation aussi. Regardez Mathieu, incapable de venir prendre de vos nouvelles, mademoiselle Alicia. Mathieu viendra me voir à la fin, quand je serai étendu sur cette table. Sa place sera là, à la tête. Camilla sera là, son mari Raymond là, Sarah Pocket là, et Georgina là-bas. Maintenant que vous connaissez vos places, quand l'heure sera venue de vous repaître de moi, partez. Et nous, Pipe, marchons. Dieu vous bénisse, chère mademoiselle Avisha. Dieu vous bénisse, mademoiselle Avisha. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Non, ne dis rien. Je ne supporte pas qu'on m'en parle. Et eux, je les supporte encore moins. Ils viennent chaque année à la même date, sans oser y faire allusion. Bien avant ta naissance, cette chose en ruine a été apportée ici. Nous nous sommes délabrés ensemble. Ensemble, nous avons été rongés. Elle par les souris, moi par des dents plus acérées. À la fin, quand je reposerai ici, dans ma robe de mariée, lui sera définitivement maudit, et le plus tôt sera le mieux. Je t'autorise à faire le tour du jardin avant de partir, si ça te fait plaisir. Un jeune homme pâle, aux cheveux clairs et aux paupières rouges, surgit soudain à côté de moi. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Comment êtes-vous entré ? Mademoiselle Estella m'a fait entrer. Et qui vous a autorisé à rôder dans le coin ? Mademoiselle Estella. Venez vous battre. Une minute. Il vous faut une raison de vous battre. Aïe, mes cheveux ! En garde maintenant. Règle de l'art, respect de la loi. Serrez les poings. Tout le monde sait boxer, n'est-ce pas ? Ah, une minute. Je pose tout mon bazar sur le muret. La bouteille d'eau et l'éponge imbibée de vinaigre sont pour notre usage de tous les deux. Le terrain vous convient ? Oui. Parfait. Échauffement ! Il avait à peu près mon âge. Plus grand, maigre, boutonneux. Et il se mit à tourner sur lui-même, jouant des coudes, des genoux, des poignets et des talons avec une dextérité inquiétante. Il fixait mon anatomie, semblant chercher l'os qu'il allait massacrer, quand, à ma grande surprise, je lâchai un premier coup qui le mit au tapis. Il se releva aussitôt, s'aspergea d'eau, se remit en garde, se retrouva au tapis, se remit en garde, avec un œil au beurre noir, de plus en plus abîmé. Son courage m'impressionnait, car il manquait de force et ses coups étaient faibles, contrairement aux miens. Il finit par se cogner la tête sur une pierre, se releva groggy, tourna un moment sur lui-même, puis jeta l'éponge en l'air. Cela signifie que vous êtes déclaré vainqueur. Vous avez besoin d'aide ? Non, merci. Eh ben, bon après-midi. Bon après-midi à vous. Viens par ici. Tu peux m'embrasser si tu veux. Au revoir, mademoiselle. J'aurais tout donné pour pouvoir l'embrasser, mais ce baiser qu'elle m'avait accordé ressemblait à l'aumône faite à un mendiant. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Pipe ? Mes visites continuèrent ainsi pendant une dizaine de mois. Parfois, Mademoiselle Havisham m'interrogeait sur mes projets. Je lui parlais de mon désir de m'instruire, mais elle n'offrit jamais de m'aider. Estella était parfois froide et condescendante, d'autres fois plus chaleureuse, ou alors elle déclarait soudain qu'elle me détestait. Nous aurions pu continuer longtemps ainsi, mais un jour que nous nous promenions, Mademoiselle Havisham appuyait sur mon épaule. Tu grandis, Pip. Rappelle-moi le nom de ton forgeron. Joe Gargery, madame. C'est bien le patron auprès duquel tu dois faire ton apprentissage? Oui, madame. Le mieux est que tu commences immédiatement. Ce Joe Gargery, pourrait-il venir ici avec toi m'apporter ton contrat d'apprentissage? Ce sera un honneur pour lui, madame. Y a-t-il un jour qui vous convienne mieux? J'ignore ce que sont les jours désormais. Mais bientôt. Et qu'il vienne seul avec toi. Une fois qu'Estella eut ouvert la grille, Joe retira son chapeau et, pendant le reste de la visite, le soupesa des deux mains comme s'il s'agissait d'évaluer son poids au gramme près. De même qu'il ne cessa de s'adresser à moi en réponse à notre hôtesse. Il me faisait honte, j'en ai peur. En fait, je le sais. Surtout quand je devinais le regard moqueur d'Estella debout derrière le fauteuil de Mademoiselle Havisham. C'est donc vous, le mari de la sœur de ce garçon. Vous êtes bien le mari de la sœur de ce garçon. Par là, je veux dire, Pip, que oui, j'ai fait la cour et marié ta sœur, vu comme j'étais à l'époque ce que tu peux appeler, si jamais l'envie t'en prend, un célibataire. Et vous avez élevé ce garçon avec le projet de le prendre comme apprenti, n'est-ce pas, monsieur Gargery? Tu sais, Pip, vu comme on a toujours été amis, c'est sûr qu'il y a de l'impatience à commencer à travailler ensemble, histoire de s'en payer une bonne tranche. À part que si t'avais eu des objections à mon métier, rapport aux tâches et à la suie, sûr qu'on aurait trouvé le moyen d'y remédier. Avez-vous apporté le contrat d'apprentissage? Tu sais bien que je l'ai, Pip, vu comme je l'ai mis dans mon chapeau devant toi. Et tu sais bien qu'il est là. Eh, hey, tiens, le voilà. Tenez, madame. Vous n'attendiez pas de prime pour ce garçon. Joe, il faut répondre. Par là, je veux dire que, Pip, c'est pas le genre de question à se poser de toi à moi. Vu que tu connais très bien la réponse, comme quoi, non. Tu le sais bien que c'est non, Pip, alors pourquoi faudrait que je le dise? Pip a mérité une récompense, car il s'est fort bien comporté ici. Estella? Il y a 25 guinées dans cette bourse. Donne-lui. Remets-la à ton maître, Pip. C'est très généreux de ta part, Pip, et reçu pareillement avec gratitude. Qu'on fasse notre devoir l'un pour l'autre et pour ceux qu'on transmis à être, pour la tranquillité de l'esprit, ce qui jamais... Et de moi encore moins. Au revoir, Pip. Dois-je revenir, madame? Non. Gargery est ton patron, désormais. Gargery, un mot. Ce garçon s'est montré satisfaisant ici. Et c'est sa récompense. Bien sûr, en honnête homme, vous ne devez en attendre aucune autre. Jamais. Vous pouvez partir, maintenant. Madame Joe et Monsieur Pumblechook nous attendaient impatiemment chez ce dernier. Assis à la table de la salle à manger, ils étaient prêts pour la conférence. Ah, je suis émerveillée que vous condescendiez à rejoindre une compagnie aussi indigne que la nôtre. Alors, qu'a-t-elle donné à ce petit vaurien? Elle lui donne... rien. Ce qu'elle donne, c'est à ses amis et par ses amis. Je veux dire qu'elle remet entre les mains de sa sœur, Madame Jo Gargery. Oh, et combien ça nous fait? Que dirait la compagnie ici présente de 20 livres? Elle dirait pas mal. Pas tant que ça, mais pas mal. Eh bien, c'est plus. Donc, c'est plus. Que dirait la compagnie ici présente de plus que 20 livres? Elle dirait que c'est une coquette somme. Eh bien, c'est plus. Et pour en finir, c'est 25 livres. C'est 25 livres, ma bonne dame. Et je vous souhaite toute la joie du monde. Voyez-vous, Joseph et Madame Jo, je suis de ceux qui mènent à bien leur entreprise. Et pour fêter les 25 livres, je vous invite à dîner. Au sanglier bleu, avec Monsieur Watson, bien sûr, et Monsieur et Madame Hubble. Dis donc, le morveux, tu pourrais essayer d'avoir l'air content. Pip, souris un peu. Tu n'es donc pas content de ce qui t'arrive? La gratitude. N'oublie jamais la gratitude. Je te rappelle les termes du contrat que tu vas signer. À savoir que si tu joues aux cartes, si tu bois de l'alcool, si tu te couches tard, si tu as de mauvaises fréquentations, oui, je sais pas, tu iras en prison. Quand je rejoignis enfin ma petite chambre, j'étais désespéré. Le métier de Joe me plaisait avant, mais avant n'était pas maintenant. C'est un vilain sentiment que d'avoir honte de son foyer. J'avais toujours été malheureux dans le nôtre à cause du caractère de ma sœur, mais Joe avait sanctifié notre maison et m'avait donné la foi. J'avais cru que la forge était le chemin rougeoyant qui me mènerait à l'indépendance et à la maturité. Désormais, je n'en voyais plus que la vulgarité et la grossièreté. Étais-je responsable de ce vilain sentiment? Était-ce Mademoiselle Havisham ou ma sœur? Cela n'a plus aujourd'hui la moindre importance pour moi ou pour quiconque. Je me voyais plat comme les marées balayées par le vent, bas comme le ciel obscur, mon avenir assombri par la brume, prêt à sombrer dans la mer. Ce que je voulais, qui peut le dire? Pas moi qui ne le savais pas. C'était Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Troisième épisode. Avec Jacques Gamblin, Pauline Ziadé, Yann Boudot, Marie-Christine Horry, Dominique Raymond, Lou Nizard, Philippe Magnan, Jean-Gabriel Norman, Arsène Jouet, Bruno Abraham Kremer, Hervé Furic, Marie Daude, Nathalie Canoui, Donatien Guillot, Marie-Céline Tuvache. Et les voix de Zachary Lebourg, Jean Joudet, Bertrand Lassie, Jean-Yves Lissonnet, Blanche Gelle. Violon, Nathanaël Serrault. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.